na na na na. On vient chez toi pour voler ta barre, nique sa mère, les bourgeois, boursiers ou PDG. J'ai des coups dans ta tête, le temps pendant la guine, c'est calage de ta faute pour la révolution. On cambriole à ta maison, les fait des logements sociaux. On trouve pour attaquer, pour étoffer les CRS. Tout le monde debout, ça c'est pour les fous qui traînent le soir à la manière des loups. Un matin la vodka, cigarette de ce marquant, ça c'est pour les bonnes gens. On jamais fait de mal, jamais des gros. Moi et mon gros, à qui arrive à l'aise, tout nous a brisé le gros. Maintenant c'est à nous, frappez un bourreau. Fils de chien, t'as brisé nos rails, t'as détruit nos cerveaux. Nous on coupe en morceaux, nous a rendu accro. Nous on coupe en morceaux. Monsieur, c'est pas belle romance sans le sens du talus. Un store où la délinquance dans le système on disparaît. La cage est toujours en vie, pas comme les autres vitamines. Faut que je me fasse cette test en boîte vite avant que l'avenir me rattrape. J'ai déjà chopé le destin, je veux le goûter. Car mon amour est clandestin, un damné. Ça doit pas baiser le bonheur, où y'a pas vraiment le droit. Alors vend leur propre affaire aux bourgeois, aux racketeurs qu'on aime pas. Vache, on va niquer la police, troisième doigt pour la loi, on va niquer du bourgeois. Mort aux vaches, tu ne bouges pas. Mort aux vaches, mort à toi. Mort aux vaches, on va niquer la police, troisième doigt pour la loi, on va niquer du bourgeois. Mort aux vaches, tu ne bouges pas. Mort aux vaches, mort à toi. C'est Bajka, après shit alcool chicha, mâcher ta gueule comme une chic. Pas de chance, pas de resto chic, que des beignets pour gros flic. Compère de notre clic avec ton bouline, te la pète pas. Avec un vrai zi, je me ramène chez toi. Cache ton mec, cache ta vache, c'est pas ce que j'ai fait de ton chat. J'suis pas adhérent, surtout pas m'aider. C'est l'effet weed, me pas de enculé comme un PD. Péter le bide, Gadi, je t'ai pas dit t'arrêt carré, mieux que Kadé. Là là, le Kaïd, cadre et pape, nouvelle version de la Bible. Fais vous par Dab Dab, chez nous Goliath, Marab David. Alors fais pas ton antello, là c'est bi, j'suis multisexuel, même pas bi. Là c'est dur, là c'est mon bide, j'te fais flipper. C'est du 6-9 t'as tilté, j'ai un craché sur ton échappe fashion. J'suis fâché, fais pas chier, tu veux pas être sûr, fais pas sonne mon téléphone. J'vais la frite, ta daronne, la poitrine des filles. C'est comme les cambriolages, des seins, c'est gros, c'est moi son âge. J'ai maté qu'elle mettait du rembourrage. Tout ça pour dire que si ta caisse est vide, on crasse ta tire. On plante le drapeau avec style, comme un stylo dans le dos. On se tire, j'viens témoigner de notre fidélité, de notre fraternité, de notre solidarité. En revendant du volet, viens, je rebats les bois, on va bien s'amuser. Voulez pas nous interner. On va niquer la police, troisième doigt pour la loi, on va niquer du bourgeois. Mort aux vaches, tu ne bouges pas. Mort aux vaches, mort à toi. Mort aux vaches, on va niquer la police, troisième doigt pour la loi, on va niquer du bourgeois. Mort aux vaches, tu ne bouges pas. Mort aux vaches, mort à toi. La loi, on va niquer du bourgeois. Mort aux vaches, tu ne bouges pas. Mort aux vaches, mort à toi. Mort aux vaches, on va niquer la police, troisième doigt. Pour la loi, on va niquer du bourgeois. Mort aux vaches, tu ne bouges pas. Mort aux vaches, mort à toi.